Chapitre 14e. L'amour prit le sablier et le renversa de sa main charmante. Talbot Bulstrode céda enfin aux instances réitérées de John et consentit à passer une couple de jours à Mellish Park. Il se méprisait et s'en voulait à lui-même de cette concession absurde. Par quelle pitoyable farce la tragédie s'était-elle terminée? Invité dans la maison de son rival, paisible spectateur du bonheur quotidien et banal d'Aurora durant deux jours, il avait consenti à occuper cette situation embarrassante. Deux jours seulement, et il reviendrait au mineur de Cornouailles, à son logement de garçon de Queen's Square, Westminster. Il se retrouverait sous sa tente dans le grand Sahara de la vie. Il ne lui était pas possible, quand il se serait agi du salut de son âme, de résister à la tentation de connaître la vie intime menée dans cette terre du Yorkshire. Il voulait savoir avec certitude que lui importait cela, je vous le demande. Si elle était réellement heureuse et s'il l'avait tout à fait oubliée. Ils retournèrent tous ensemble à Mellish Park. Aurora, John, Archibald Floyd, Lucy, Talbot Bulstrode et le capitaine Hunter. Ce dernier officier était un jovial gentleman au nez crochu et aux favoris châtains. C'était un gentleman dont la force intellectuelle n'avait rien de foudroyant. Mais c'était aussi un gai compagnon, un hôte agréable, dans une honnête maison de campagne où tous sont les bienvenus. Talbot ne pouvait s'empêcher d'avouer intérieurement qu'Aurora était à la hauteur de cette nouvelle position, comme chacun l'aimait. Elle soulevait, pour ainsi dire, autour d'elle, partout où elle allait, une atmosphère de bonheur. Quels aboiements de joie les chiens poussaient à sa vue, comme ils sautaient, rompant leurs chaînes dans les efforts qu'ils faisaient pour se rapprocher d'elle. Comme les juments et les pouliches accouraient sans frayeur à la grille de l'enclos pour lui souhaiter la bienvenue, penchant leurs naseaux veloutés qu'ils appuyaient sur son épaule, ou répondant au mouvement de sa main caressante. En voyant tout cela, comment Talbot pouvait-il ne pas se souvenir que ce même rayon de soleil aurait pu luire sur un castel désolé, bien loin où l'on voit le soleil sortir de la mer vers l'Occident? Elle aurait pu être à lui, cette belle créature, mais à quel prix? Au prix de l'honneur, au prix de chacun des principes de son esprit qui avait formé pour lui comme un type de pureté et de perfection, un idéal pur et sans tache pour la femme de son choix. Il aurait pu céder dans un moment de faiblesse, il aurait pu être heureux, heureux du bonheur du fumeur d'opium, mais non de la félicité rationnelle d'un chrétien. Merci au ciel pour la force qui lui avait été donnée d'échapper au filet soyeux, merci au ciel pour le pouvoir qui lui avait été donné de soutenir cette lutte. Debout auprès d'Aurora dans l'embrasure d'une des fenêtres de Mellish Park, portant son regard au loin sur la ceinture de taillis au milieu desquels les cerfs aiment à s'étendre paresseusement sous les rayons du soleil d'avril, il ne put réprimer la pensée constante de son esprit. « Je suis bien aise de vous voir si heureuse, Mrs. Mellish. » Elle jeta sur lui ses yeux francs et confiants dans l'éclat desquels il ne restait pas une ombre. « Oui, je suis heureuse, bien heureuse. Mon mari est bien bon pour moi, il m'aime, et il a confiance en moi. » Elle ne put résister au désir de lui administrer ce coup, la seule vengeance qu'elle tira jamais de lui, mais c'était un coup qui le perça jusqu'au cœur. « Aurora, Aurora, Aurora !» s'écria-t-il. Ce cri à demi étouffé révéla le secret de blessure qui n'était pas encore cicatrisé. Mrs. Mellish pâlit à ce cri de son âme. « Il faut guérir cet homme, pensa-t-elle. L'heureuse épouse, sûre de la force de son amour et de sa confiance, ne pouvait supporter la vue de ce pauvre garçon, toujours emporté par le courant. Elle ne désespérait aucunement de sa cure, car l'expérience lui avait appris que si la fièvre d'amour prend plusieurs formes, il n'y en a que bien peu qui soient incurables. N'avait-elle pas elle-même passé par ce supplice, sans qu'il restât une seule cicatrice pour témoigner de ses anciennes blessures? Elle laissa le capitaine Bulstrode regarder tristement par la fenêtre et s'éloigna pour préparer le plan qui devait raviver cette pauvre âme échouée. Elle courut d'abord dire à M. John Mellish sa découverte, ainsi qu'elle avait coutume de lui dire toute chose, qu'elle fût importante ou futile. « Mon cher vieux Jack, » dit-elle, c'était une autre de ses habitudes de lui donner toutes sortes d'appellations exagérées de tendresse. Il se peut qu'elle fît cela pour le repos de sa propre conscience, bien convaincue qu'elle était qu'elle le tyrannisait. « Mon cher ami, j'ai fait une découverte. Au sujet de quoi ? Au sujet de Talbot Bulstrode. » John eut un clignement d'yeux rempli de malice. Il était évidemment à demi préparé à ce qui allait arriver. Qu'est-ce, Lolly? Lolly était une corruption d'Aurora, inventée par John Mellish. Eh bien, je crains réellement, mon cher enfant, qu'il n'en ait pas encore pris son parti. « De ce que je l'ai emporté sur lui !» s'écria John. « Je le pensais, pauvre diable, pauvre Talbot. Je voyais bien qu'il avait grande envie de se battre avec moi à York. Sur ma parole, je le plains. » Et pour preuve de sa compassion, M. Mellish partit d'un bruyant éclat de rire que Talbot aurait presque pu entendre de l'autre bout de la maison. C'était une illusion favorite de John. Il croyait fermement avoir gagné l'affection d'Aurora en rivalité loyale avec le capitaine Bulstrode, ignorant complaisamment que le capitaine avait abandonné toute prétention à la main de Miss Floyd 9 ou 10 mois avant que la demande de John eût été agréée. Cet homme plein de naïveté avait l'habitude de se tromper ainsi lui-même. Il voyait tout le monde comme il désirait le voir. Pour lui, tous les hommes étaient bons et honnêtes, ainsi que les femmes. La vie n'était qu'un long et agréable voyage, à bord d'un vaisseau bien approvisionné, monté seulement par des passagers de première classe. C'était un de ces hommes qui doivent se couper la gorge ou prendre de l'acide prussique, le jour où ils rencontrent pour la première fois le sombre visage du souci. Et qu'allons-nous faire de ce pauvre garçon, Lolly? Le marier? Avec nous? Dit John naïvement. Mon cher ange, quel vieux chéri obtus vous faites? Non! Le marier Lucy Floyd, ma cousine Germaine, qu'il a dédaigné autrefois et gardé dans la famille le domaine de Bulstrode. Le marier à Lucy? Oui, pourquoi pas? Elle a assez étudié, elle sait assez d'histoire, de géographie, d'astronomie, de botanique, de géologie ou d'entomologie. Elle a couvert je ne sais combien de vases en porcelaine de Chine, d'oiseaux et de fleurs impossibles. Elle a enluminé des missels et lu des romans religieux de la Haute Église. Donc, ce qu'elle peut faire de mieux maintenant, c'est d'épouser Talbot Bulstrode. John avait ses raisons libres pour être d'accord avec Aurora sur ce sujet. Il se rappelait le secret de la pauvre Lucy, qu'il avait découvert plus d'une année auparavant à Felden Woods. Ce secret qui lui avait été révélé par quelque mystérieux pouvoir sympathique du domaine de l'amour sans espoir. Donc M. Mellish déclara qu'il approuvait hautement le projet d'Aurora, et les deux faiseurs de mariage se mirent à l'œuvre pour combiner le piège dans lequel Talbot devait tomber, ne supposant pas un seul instant que pendant qu'ils se cassaient la tête pour assurer le succès de leur intrigue, la victime désignée traversait tranquillement la pelouse en plein soleil pour se rapprocher du sort qu'il désirait pour lui. Oui, Talbot Bulstrode s'avançait lentement vers sa destinée, dans un bois sous la lisière du parc, une partie du parc qu'on pouvait considérer comme la limite du domaine de John. Les anémones tremblaient sous la brise du printemps. Les pâles primroses montraient leur doux visage au milieu des feuilles frissonnantes. Et dans des coins ombreux, sous les branches allongées des aunes et des hêtres, des chênes et des frênes, les violettes cachaient à l'œil vulgaire leur beauté empourprée. C'était un endroit délicieux, consolant par son harmonieuse influence, un véritable sanctuaire de forêt, où pour entrer l'homme redevient enfant. Le capitaine Bulstrode ne se sentait pas d'excellente humeur en traversant la pelouse. Mais une influence bienfaisante s'empara de lui sur le seuil de cet abri naturel, de sorte qu'il se sentit de meilleure humeur. Il commença à se demander quel rôle il jouait dans le grand drame de la vie. « Ciel !» pensa-t-il. « Quel lâche méprisable! Quel misérable invalide je suis devenu par l'effet de ce seul chagrin de ma vie! Et quoi? Fils indifférent, frère insouciant, créature inutile et sans but. Je me contente d'une vie dépensée à de mesquines études d'économie politique. Reprendrai-je jamais courage? Ce doute aride de tout ce qui vit doit-il m'accompagner jusqu'à la tombe? Il y a moins de 2 ans, mon cœur se désolait à la pensée que j'avais atteint l'âge de 32 ans sans avoir jamais été aimé. Depuis, j'ai vécu dans un état de fièvre. J'ai soutenu les luttes les plus acharnées qu'homme puisse endurer, et je me trouve où cela? Exactement où j'en étais auparavant, toujours sans compagnon pour cet aride voyage. Seulement, je suis un peu plus près de la fin. » Il marchait lentement vers le côté boisé. D'autres taillis ombreux s'étendaient à droite et à gauche pour devenir plus profonds, plus épais et plus mystérieux au loin. Encore un mois, et sous ses pieds le sol moussu formerait un tapis empourpré de hyacinthe. À l'air même se mêlerait la fatale vapeur odoriférante que dégagent les bulbes parfumés. « J'ai trop demandé, » disait Talbot, de ce ton de voix intime que nous portons sans cesse en nous et que nous seuls pouvons entendre. « J'ai trop demandé. J'ai cédé au charme de la sirène et j'ai pris de la colère parce que je n'ai pas trouvé les ailes argentées de l'ange. Je me suis laissé éblouir par les charmes et la beauté d'une femme quand j'aurais dû chercher une épouse douée d'un noble cœur. » il s'enfonçait de plus en plus dans le bois, marchant à sa destinée, comme devait le faire un autre avant la fin de l'été qui commençait. Mais quelle différence dans ses destinées! Les longues arcades de hêtres et d'ormes lui avaient d'abord rappelé la nef grandiose d'une cathédrale. Il n'y manquait que le saint. Et arrivant brusquement à un endroit où une nouvelle arcade s'élevait immédiatement à sa droite, il vit dans une des niches champêtres une sainte plus belle que jamais n'en modela la main d'un artiste et d'un croyant. Le même ange aux cheveux d'or qu'il avait déjà vu dans le grand salon de Felden Woods, Lucy Floyd, la teinte sainte de sa pâle auréole, un large chapeau de paille sur ses genoux, rempli d'anémones et de violettes, et tenant à la main le troisième volume d'un roman. Que de fois dans la vie, il arrive que nous nous trouvions dans ce qu'on appelle au théâtre une situation. Sans cette soudaine rencontre, sans cette apparition instantanée de la jolie sainte, Talbot Bulstrode aurait pu glisser dans la tombe et ignorer toujours l'amour que Lucy nourrissait pour lui. Mais, étant donné une brillante matinée d'avril, d'avril dans toute sa splendeur, ne l'oubliez pas, alors que la nymphe capricieuse transforme ses façons et prévient que son aimable sœur de mai approche, et que désireuse de laisser une bonne impression avant de s'incliner pour faire son dernier salut, elle essuie sa dernière ondée de larmes d'adieu. Étant donné une matinée embaumée de printemps, la solitude, un bois, des fleurs sauvages, des cheveux d'or et des yeux bleus, le problème est-il donc difficile à résoudre? Talbot Bulstrode, appuyé contre un large tronc de hêtre, regardait cette jolie figure qui rougit sous ses yeux, et la première pensée du secret de Lucy commença à se faire jour en lui. En ce moment, il ne songea pas à profiter de la découverte. Il ne songea pas non plus à ce qu'il allait dire. Son âme était encore pleine de l'émotion orageuse qui s'était trahie chez lui par ce cri passionné à Aurora. La rage, la jalousie, le regret, le désespoir, l'envie, l'amour et la haine, tous ces sentiments divers qui s'étaient livrés à un combat de démons dans son âme à la vie du bonheur d'Aurora, n'avaient pas encore cessé de s'agiter dans sa poitrine, et les premières paroles qu'il prononça révélaient les pensées qui l'agitaient encore. « Votre cousine est très heureuse dans sa nouvelle existence, Miss Floyd, » dit-il. Lucie le regarda avec surprise. C'était la première fois qu'il lui parlait d'Aurora. « Oui, » répondit-elle d'un ton calme, « je crois qu'elle est heureuse. » Le capitaine Bulstrode fit tourner sa canne sur un groupe d'anémones et décapita les fleurs tremblantes. Il pensait avec fureur combien il était honteux que la glorieuse Aurora fût heureuse avec l'épais, le musculeux et jovial John Mellish. Il ne pouvait comprendre cette étrange anomalie, ni découvrir la clé de ce secret. Il ne pouvait pas comprendre que l'amour dévoué de ce lourdeau fût assez fort de lui-même pour surmonter toutes les difficultés, pour contrebalancer toutes les différences. Peu à peu, Lucy et lui commencèrent à s'entretenir d'Aurora. Bientôt, Miss Floyd parla à son compagnon des mauvais jours passés à Felden Woods, pendant lesquels on avait presque désespéré de l'existence de l'héritière. Donc, elle l'avait aimé sincèrement, après tout. Elle avait aimé, elle avait souffert, elle avait cessé de souffrir, et elle l'avait oublié. Et elle était heureuse. Toute l'histoire pouvait se dire en cette seule phrase. Talbot jeta un vague regard sur l'irrévocable passé, et il s'emportait contre l'orgueil des Bulstrode qui s'était placé entre lui et son bonheur. Il dit à la douce Lucie quelques mots de sa douleur. Il lui dit que des préjugés, un orgueil mal entendu, l'avaient séparée d'Aurora. Elle essaya, de son ton plein d'innocence et de sa douce voix, de consoler cet homme dans sa faiblesse. Et en essayant, elle révéla, ah, avec quelle transparente simplicité, le secret qu'elle lui avait si longtemps caché. Que le ciel vienne en aide à l'homme dont le cœur est pris au bon par une divinité aux cheveux d'or et aux yeux de colombe, dont la voix tremblante s'accorde à sa douleur. Talbot Bulstrode vit qu'il était aimé, et peint de reconnaissance, il fit humblement l'offre des cendres de ce feu qui avait brûlé si ardemment sur l'autel d'Aurora. Ne blâmons pas cette pauvre Lucie. Si elle accepta avec reconnaissance et même avec un certain trouble intérieur, avec crainte, avec joie, l'amant oublié de sa cousine. Elle l'aimait tant, et elle l'avait aimé si longtemps. Pardonnons-lui, et plaignons-la, car c'était une de ces créatures innocentes et pures dont l'être entier se résout en affection, auxquelles la passion, la colère, l'orgueil sont inconnus, qui ne vivent que pour aimer, et qui aiment jusqu'à la mort. Talbot Bulstrode apprit à Lucy Floyd qu'il avait aimé Aurora de toute la force de son âme, mais que maintenant que la lutte était terminée, lui, le vaincu, il avait besoin d'un consolateur pour ses vieux jours. Voudrait-elle, pourrait-elle donner sa main à celui qui ferait tous ses efforts pour remplir les devoirs d'un époux et pour la rendre heureuse? Heureuse! Elle aurait été heureuse s'il lui avait demandé d'être son esclave, heureuse si elle avait pu occuper seulement une place ignorée dans le service du château de Bulstrode, pourvu qu'il lui fût permis d'apercevoir le visage aimé une ou deux fois par jour à travers les vitres brumeuses d'une fenêtre de cuisine. Mais elle était la moins démonstrative des femmes. Et si ce n'est par son embarras, ses paupières baissées et les larmes qui tremblaient sur ses cils d'un brun foncé, elle ne répondit rien à la déclaration du capitaine. Enfin, prenant sa main dans la sienne, il obtint d'elle un léger murmure de consentement qui voulait dire oui. Ciel ! Combien il est dur pour de telles femmes de sentir si fortement et de paraître si froides et si peu démonstratives. Ces créatures bouillantes, impétueuses, aux yeux noirs, qui parlent sans crainte et vous disent qu'elles vous aiment ou vous haïssent, en vous enlaçant de leurs bras ou vous jetant un couteau selon les circonstances, sont largement payées de leurs émotions. Mais ces douces créatures aiment et ne donnent aucun signe d'amour. Elles restent immobiles comme la statue de la patience sur un monument. Elles sourient au malheur et personne ne comprend la triste signification de leur sourire. La réserve, comme le ver dans le bourgeon, mange la couleur de leurs joues. Et leurs compatissants amis leur disent qu'elles ont un tempérament bilieux et leur recommandent quelques remèdes anodins pour leur pâleur. Elles ont toujours le dessous. Leur vie intérieure est peut-être une tragédie où il n'y a que du sang et des larmes, tandis que leur existence extérieure n'est qu'un drame domestique pâle et vulgaire. Le seul signe extérieur que Lucy Floyd laisse apparaître de l'état de son cœur fut une affirmation tremblée à peine intelligible, et pourtant, quelle tempête d'émotions s'agitait en elle. Mais quand il se fut agi de sa vie, elle n'aurait pu répondre autrement à Talbot. Ce ne fut que plus tard, quand le capitaine Bulstrode et elle eurent regagné lentement le château, que son émotion finit par se trahir. Aurora rencontra sa cousine dans le corridor sur lequel ouvrait leur chambre, et attirant Lucie jusque dans son cabinet de toilette, elle demanda à la jeune fille d'où elle venait. « Où êtes-vous allée, fugitive ? John et moi, nous vous avons cherché une demi-douzaine de fois. » Miss Lucy Floyd expliqua qu'elle avait été dans le bois avec un volume du dernier roman, un roman religieux, dans lequel l'héroïne repoussait le héros parce qu'il n'accomplissait pas le service selon le rite. Miss Lucy Floyd dit tout ceci avec tant de confusion et en rougissant si fort qu'il semblait qu'il eût quelque faute à passer dans un bois une matinée d'avril. Et comme on lui demandait pourquoi elle était restée si longtemps et s'il avait été seul tout ce temps, la pauvre Lucy tomba dans un embarras vraiment digne de commisération et dit qu'elle avait été seule, c'est-à-dire une partie du temps, ou presque tout le temps, mais que le capitaine Bulstrode... Mais en essayant de prononcer son nom, ce nom sacré, ce nom si cher, la parole manqua à Lucy Floyd. Elle ne put ajouter un mot et fondit en larmes. Aurora serra le visage de sa cousine sur sa poitrine et plongea son regard de femme, dans ses yeux bleus humides. « Lucy, ma chère enfant, est-ce réellement comme je le pense? Comme je le désire? Talbot vous aime-t-il? » « Il m'a demandé en mariage, » murmura Lucy. « Et vous, vous avez consenti? Vous l'aimez ?» Lucy Floyd ne répondit que par de nouveaux sanglots. « Mais, ma chère enfant, tout cela me surprend fort. Combien est-il de temps que cela dure? Combien est-il de temps que vous l'aimez ?»« Je l'aime depuis la première heure où je l'ai vu, » murmura Lucy. « Depuis le jour où il vint à Felden pour la première fois. Aurora, je sais combien il y avait de folie et de faiblesse en moi, et je me hais à cause de cette folie. Mais il est si bon, si noble, si... Chère petite nièce, et c'est parce qu'il est bon et noble et qu'il vous a demandé d'être sa femme, que vous pleurez comme s'il vous avait demandé d'aller à son enterrement. Ma chère, ma tendre Lucy, vous l'avez toujours aimé alors, et vous avez été bonne pour moi, moi, qui étais assez égoïste pour ne jamais deviner. Ma chère enfant, vous êtes 100 fois plus faite pour lui que je ne l'ai jamais été, et vous serez aussi heureuse que je le suis avec ce grotesque cher John. » Pendant qu'elle parlait ainsi, les yeux d'Aurora se remplissaient de larmes. Elle était vraiment, sincèrement aise de voir Talbot en chemin de trouver une consolation, d'autant plus aise que du même coup, sa sentimentale cousine allait se trouver heureuse. Talbot Bulstrode demeura encore quelques jours à Mellish Park. Heureux, ah, trop heureux jour pour Lucy Floyd, et il partit, non sans avoir reçu les félicitations de John et d'Aurora. Il devait aller directement trouver Alexander Floyd à sa villa de Fulham et placer sa cause auprès du père de Lucy. Il n'avait guère à craindre une réception défavorable, car Talbot Bulstrode, de Bulstrode Castle, était un excellent parti pour la fille de la branche cadette de Floyd, Floyd & Floyd, jeune personne dont les espérances se trouvaient considérablement modifiées par une demi-douzaine de frères et sœurs. Le capitaine Bulstrode revint donc à Londres fiancé de Lucy Floyd. Il revenait avec une joie tempérée dans le cœur, bien différente de toutes les joies tumultueuses du passé. Il était heureux du choix qu'il avait fait, avec calme et sans passion. Il avait aimé Aurora pour sa beauté et ses charmes. Il allait épouser Lucy parce qu'il avait beaucoup lu en elle, parce qu'il l'avait observée de près, et qu'il la croyait douée de toutes les qualités qu'une femme doit avoir. Peut-être, s'il faut dire la froide vérité, le principal charme aux yeux du capitaine se trouvait-il dans ce respect qu'elle avait si naïvement trahi pour lui. Il acceptait son admiration avec une calme et naturelle sérénité et la croyait la plus sensible des femmes. Mrs. Alexander fut surprise au dernier point, quand l'homme qui avait été naguère le fiancé d'Aurora vint solliciter la main de sa fille. Elle était trop occupée des soins de son petit troupeau pour être en même temps un observateur bien pénétrant. Il n'avait jamais soupçonné l'état du cœur de Lucy. Elle fut donc enchantée d'apprendre que sa fille reconnaissait la bonne éducation qu'elle avait reçue, et elle avait trop de bon sens pour refuser une offre aussi avantageuse que celle du capitaine Bulstrode. Elle se joignit donc à son mari pour approuver entièrement l'union de Lucy avec Talbot. Ainsi donc, comme il n'y avait aucun empêchement, et comme les amants s'estimaient et se connaissaient depuis longtemps, il fut décidé, à la requête du capitaine, que le mariage serait célébré au commencement du mois de juin et qu'on irait passer la lune de miel au château de Bulstrode. À la fin de mai, M. et Mrs. Mellish vinrent à Felden pour assister aux noces de Lucy qui furent célébrées en grande pompe à Fulham. Archibald Floyd offrit à sa petite nièce un bon de 5 000 livres sterling à son retour de l'église. Il y eut un moment pendant la cérémonie où Talbot Bulstrode fut sur le point de se frotter les yeux, en pensant que cette brillante fête n'était qu'un rêve. C'était un rêve assurément, car à ses côtés se tenait une pâle et blonde jeune fille, tandis que la femme qu'il avait choisie 2 ans auparavant était dans un groupe derrière lui et assistait à cette cérémonie en spectatrice parfaitement satisfaite. Mais quand il sentit la petite main gantée trembler sur son bras, au moment où ils quittèrent l'hôtel, il se souvint que ce n'était point un rêve et qu'à partir de cette heure, la vie avait pour lui des devoirs nouveaux et sacrés. Maintenant que mes deux héroïnes sont mariées, le lecteur un peu versé dans la physiologie du roman peut conclure que mon récit est terminé, que le rideau est prêt à tomber sur le dernier acte de la pièce et qu'il ne me reste rien de plus à faire qu'à réclamer l'indulgence pour le jeu insuffisant des acteurs. Cependant, le drame de la vie réelle se termine-t-il toujours sur les marches de l'hôtel? Faut-il absolument que la pièce soit finie quand le héros et l'héroïne ont signé leur nom sur le registre? L'homme cesse-t-il d'être, d'agir et de souffrir quand il se marie? Et est-il nécessaire que le romancier, après avoir consacré 3 volumes à décrire une cour de 6 semaines de durée, ne se réserve pour lui-même qu'une demi-page dans laquelle il nous dira les événements des 2/3 d'une vie? Aurora est mariée. Elle est établie, elle est heureuse, à l'abri, comme on peut se l'imaginer, de tout danger. Elle est en sûreté, sous l'aile de son vigoureux adorateur. Mais il ne s'ensuit pas que l'histoire de sa vie soit terminée. Elle a évité le naufrage pendant un temps. Elle a abordé saine et sauve de séduisants rivages. Mais souvent l'orage est encore bien loin à l'horizon, quand on entend gronder la voix menaçante du tonnerre.